Placid ni omungere. Dorino Wimana et Albert Andoua et l'audio assure la mise en onde. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à ce journal. Et donc voici les principaux titres. Les contributions aux élections de 2020 jusqu'au début du mois de juin en cours étaient estimées à plus de 61 milliards de francs bouts, dont plus de 20 milliards issus de retenue sur les salaires des fonctionnaires, selon le porte-parole AID du ministère des Finances. Et les commerçants du marché du chef-lieu de la province de Moaro demandent la clôture de ce marché en cours de réhabilitation pour limiter les cas de vol de tubes métalliques qui sont signalés. Et les amateurs du ballon rond considèrent que les Inamba Murugamba en phase de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN avaient tenu tête aux Super Eagles du Nigeria ce samedi et demandent aux sélectionneurs d'être attentifs dans les remplacements des joueurs. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isangani Lo ? Vous ratez l'essentiel. Je venais de vous le dire, les contributions pour les élections générales de 2020 au Burundi qui sont déjà collectées s'élèvent à plus de 61 milliards de francs bouts. C'est la déclaration faite par Christian Kwizera, porte-parole ad intérim du ministère des Finances, lors de l'émission publique de porte-parole de différentes institutions. C'était vendredi dans la province de Muyinga. Toutefois, il indique que le budget nécessaire sera publié ultérieurement par les autorités compétentes. Je prie de suivre Christian Kwizera. Il est traduit en français par Moïse Misako. Vous êtes déjà au courant que le ministère des Finances, chaque trimestre, donne la situation des contributions pour ces élections et le montant déjà collecté. Mais nous avons déjà annoncé antérieurement que l'analyse du budget total de toutes les opérations électorales n'est pas à terme. Comme je suis d'auprès le processus, en tant qu'expert, nous y avons déjà travaillé. Nous avons transmis le rapport à nos chefs supérieurs. Je pense que la semaine prochaine, ou s'ils trouvent que le travail a été bien fait, les concernés annonceront au Burundi et à la communauté internationale le budget total pour ces élections de 2020. Jusqu'au début du mois de juin en cours, on avait déjà collecté un montant de plus de 61 milliards de nos francs. Parmi les 61 milliards, comme vous le savez, il y a une ordonnance ministérielle appelant la population subdivisée en trois catégories à contribuer. Les contributions de ces catégories au début de ce mois qui sont déjà au compte destiné à cet effet, qui est à la Banque centrale BRB, s'élève à plus de 20 milliards. Quant au budget total de ces élections, dans les jours à venir, les autorités compétentes vont vous annoncer cela. C'était Christian Kwizera, il est le porte-parole ad intérim du ministère des Finances. Et le ministère de l'Intérieur a affirmé que les rapports du Fonds national d'investissement communal, FONIC, en sigle, sont disponibles dans ce ministère, alors que la Cour des comptes réclame la publication de ces derniers. Dans une émission publique qui s'est tenue dans la province de Muyinga, l'assistant du ministre de l'Intérieur, en même temps porte-parole de ce ministère, rassure que ce ministère va coopérer avec la Cour des comptes sur la publication de ces rapports. Je prie de suivre Tarsis Niyongabo. Il est traduit en français par Pablo Badioa. Premièrement, avant que ces subventions arrivent sur les comptes des communes, il doit y avoir des projets de développement déjà planifiés. Ces projets sont élaborés par ces conseils techniques des administrateurs et par après, ces projets sont transmis à la direction générale du Fonds national d'investissement communal, FONIC. Après l'analyse de ces projets, ils sont transmis à l'autorité en charge de l'opération des marchés publics pour que les appels d'offres soient lancés. Après cette étape, les fonds sont versés au compte de celui qui a gagné le marché progressivement, en tenant compte de l'étape des travaux déjà réalisés. Les administrateurs communaux envoient chaque mois les rapports des dépenses communales et ces rapports sont transférés au gouverneur des provinces et rétrocédés au ministère de l'Intérieur. Je pense qu'il y a eu un manque d'informations sur la transmission de ces rapports à la Cour de comptes. Mais je vous informe que ces rapports sont donnés chaque mois. Nous allons collaborer avec la Cour de compte et voir comment cette Cour peut avoir ces rapports car ils sont disponibles. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Dans la suite de ce journal à 13h02, dans les studios de la Radio Sanganiélo, on poursuit ce journal avec la page environnement. La réserve naturelle forestière de Vianda à cheval sur les collines de Vianda et Rumonge au sud du Burundi est menacée par la disparition si rien n'est fait pour la restaurer. Cette alerte de protecteur de l'environnement dans cette localité qui demande à l'autorité compétente d'agir. Le point avec Jean-Pierre Misako. À côté de près de 300 ménages qui se sont déjà installés à l'intérieur de la réserve naturelle forestière de Vianda, celle-ci est quotidiennement détruite par des riverains à la recherche des espaces cultivables, du bois, de chauffage, mais aussi du charbon, comme le dit Jérôme Naïcha, qui est protecteur de l'environnement dans cette localité. La situation à Vianda, vraiment, je dirais que c'est une situation catastrophique parce qu'il y a des gens qui ont vraiment dépassé les limites et installer des cultures comme le manioc, parmia huile et d'autres cultures. Pour lui, il est urgent d'agir, sinon cette réserve n'existera plus que de nom. Avec ces dépassements, à chaque année, ils élargissent pour dire que si rien ne se fait, dans les jours à venir, la réserve de Vianda va vraiment disparaître. C'est pour cette raison qu'il y a nécessité de combiner des efforts de l'OBP avec des administratifs à tous les niveaux pour que ces gens trouvent une autre place où ils peuvent s'installer et la réserve reste comme réserve parce qu'elle ne peut pas être appelée réserve, d'autant plus qu'elle est perturbée comme nous le voyons aujourd'hui. De son côté, Nestor Nikobagomba, directeur ad intérim du service environnement et changement climatique à l'Office burundais pour la protection de l'environnement, dit que cet office se penche déjà sur ce problème. La réserve de Vianda, c'est une réserve qui est déjà connue au niveau problématique, d'autant plus que la réserve qui a été occupée illégalement par des habitats, ils ont érigé même des habitations à l'intérieur. Ensuite, il y a une expansion agricole au sein de cette réserve et nous avons déjà entamé des processus de délimitation depuis des années. Mais malheureusement, à cause de ce problème démographique et à cause aussi de non-respect de la loi, la question est au mail de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. Nous allons résoudre le problème en concertation avec la population, les riverains et l'administration locale. Je pense que le problème sera résolu. Cette réserve instituée en 1989 sur une superficie de 4670 hectares ne resterait plus à peine que sur la moitié de cette superficie. Selon Leonidas Nzigimba, président de l'association Conservation et Communauté de Changement. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago de Bururi Cap sur la province de Mwaro pour parler de cette recrudescence des cas de vol de tubes métalliques au marché du chef-lieu de cette province de Mwaro, aujourd'hui en cours de réhabilitation pour avoir des kiosques métalliques. Certains marchands demandent que ce marché soit clôturé pour réduire ce phénomène de vol. Et l'administrateur de la commune Kayokwe renvoie plutôt la balle dans le camp de ces commerçants à leur demandant de parachever leurs activités de construction de ces kiosques métalliques. Et pour clore l'actualité nationale, parlons du sport. L'équipe nationale du Burundi, Namba Murugamba, vient d'être tenue en échec par les Super Eagles du Nigeria sur un score d'un but à zéro. Et les amateurs du ballon rond à Bujumbura considèrent que malgré la défaite des Hirondelles, cette équipe avait tenu tête au Nigeria. Ils demandent au sélectionneur de l'équipe burundaise, Olivier Niyungeko, d'être attentif dans les remplacements des joueurs. Je vous prie de suivre certains de ces amateurs du ballon rond. Ah, c'était vraiment bon. Nous avons essayé de jouer, même s'il y a des fautes. Le coach, les remplacements, c'est pas bon vraiment. Le coach a fait les remplacements tardivement, alors que nous avons besoin de la victoire en avance. Pour gagner les matchs qui restent, il faut donner les motivations aux joueurs et faire le remplacement avant 77e minute, bien 80. Le match est bien joué, mais le coach ne peut pas remplacer les joueurs parce qu'il y a une retard de changement. Il doit bien jouer, une faute de coach. Le prochain match, il faut remplacer le joueur. Malgré les défaites là, Dieu merci vraiment, je vois que notre équipe est Ndamba. C'est une équipe vraiment très forte, très solide. C'est la première match, c'est la première CAN. Ils nous montrent des choses pareilles. Nous sommes très contents malgré sa défaite. De ma part, moi, je vois que notre coach a vraiment les changements là. Il n'a pas fait vraiment comme il faut les changements. C'est ce que moi, je vois de ma part. Le match était joué tellement très bien. J'étais très content parce qu'on n'espérait pas comme ça. Tout, ça dépend du Seigneur parce que c'est bien lui qui fait des impossibles pour qu'il soit possible. Je demande, coach, il regarde comment il va faire les changements seulement. Nous espérons qu'on va passer les tournois là de 8e. Il était bon vraiment. Parce que les Inhamba, c'est la première fois à entrer à la CAN. L'équipe nigérienne, c'est très forte de plus que le Burundi. Pour moi, les erreurs ne sont pas beaucoup. Le coach, il faut qu'il fasse ses remplacements avant que le joueur soit fatigué. C'était certains amateurs du football de la capitale économique Bujumbura. Dans le pool B où se trouve le Burundi. L'équipe Inhamba Murugamba occupe provisoirement la dernière position. Avec 0 points, 0 buts, alors que l'équipe du Nigeria vient en tête de liste avec 3 points, avec un seul but. La Guinée et le Madagascar sont à ex-aequo avec 2 buts et 1 point. Ce dimanche, à 16h30, le Maroc s'opposera à l'équipe namibienne et le Sénégal affrontera la Tanzanie à 19h. Alors qu'à 22h, l'Algérie croisera le fer avec le Kenya. Et les deux derniers matchs seront commentés sur les ondes de la Radio Sanganiro. Isanganiro. Pour clore cette édition, parlons de l'actualité internationale en Éthiopie. Les autorités dénoncent une tentative de coup d'État dans la région Amhara. Dans le nord du pays, le gouvernement annonce déjà la mort du chef d'état-major et le président de la région. Dans une déclaration à la télévision nationale, le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé qu'une tentative de coup d'état avait été perpétrée dans cet état. Selon la Radio France Internationale, l'opération a échoué et la situation est sous contrôle, a affirmé le chef du gouvernement dans cette déclaration, expliquant que plusieurs officiers avaient été visés alors que les représentants de la région l'ont été dans une réunion dans la capitale. Selon cette déclaration, le ministre de la Justice nationale a été aussi grièvement blessé aux environs de 6h30, heure locale. Quelques dizaines de minutes plus tard, le chef d'état-major a été tué par son garde du corps à son domicile. Selon toujours la Radio France Internationale, les dernières informations font état de la mort du président de la région. Cet ancien conseiller en infrastructure du chef du gouvernement a été en poste depuis le mois de mars seulement. Le dernier bilan de cette tentative, selon toujours la Radio France Internationale, fait donc état de 4 morts et un blessé grave. Très tôt ce dimanche, l'ambassade des États-Unis a déclaré à ses ressortissants au sujet d'échanges de coups de feu et leur a demandé d'éviter de sortir au Soudan. Les contestataires acceptent une proposition éthiopienne de transition. Cette proposition éthiopienne prévoit un gouvernement de transition constitué de 15 personnes, dont 8 civils et 7 militaires. Une transition, selon la Radio France Internationale, qui va diriger le pays jusqu'aux élections prévues dans 3 ans. Sur les 8 civils, 7 seraient issus de l'Alliance pour la liberté et les changements, faire de lance de la contestation. Le 8e poste serait attribué à une personnalité jugée impartiale, selon toujours la Radio France Internationale. Toujours selon un porte-parole de cette opposition, cet organe serait dirigé par une présidence tournante entre les militaires et les civils, les militaires assurant la première moitié de la transition. Selon la Radio France Internationale, les négociations entre le régime militaire en place et l'opposition sont suspendus depuis le début du mois de juin. Les forces de sécurité avaient alors violemment dispersé en citant 2 manifestants faisant plus de 120 morts. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle que les contributions aux élections de 2020 jusqu'au début du mois de juin étaient estimées à plus de 61 milliards, dont plus de 20 milliards de francs bou. Ici, de retenue sur les salaires des fonctionnaires, nous a expliqué Le porte-parole du ministère des Finances et les commerçants du marché du chef-lieu de la province de Moaro demandent la clôture de ce marché en cours de réhabilitation pour limiter les cas de vol de tubes métalliques qui sont signalés. Les amateurs du ballon rond considèrent que les Inhamba Murugamba, équipe nationale du Burundi, qui est en phase de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avait tenu tête aux Super Eagles du Nigeria ce samedi et demande aux sélectionneurs de l'équipe nationale Inhamba Murugamba d'être attentifs dans les remplacements. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Dorine Wimana et Albert Ndouayo qui a assuré la mise à l'onde. À la présentation, vous étiez avec Placide Niamongere. Je vous souhaite une bonne journée dominicale. À tous, au revoir.